Nyangi. Dimanche 14 juillet, bienvenue madame, monsieur à l'écoute de cette édition, voici la charpente. Le chef de l'État appelle les gouverneurs de province à interdire la commercialisation de la boisson dite Sapor et ce, au nom de la vision 2040-2060. En province Bubanza, des familles de vulnérables réclament des propriétés foncières. Le gouverneur de la province Muyinga affirme que les 10 millions de francs burundais exigés en concussion aux agriculteurs ayant vendu leurs graines de maïs par certains employés de l'agence Anagessa en province Muyinga ont été remboursés. Vous l'entendrez dans cette édition mise en œuvre par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le chef de l'État dit s'inquiéter de l'atteinte de l'objectif d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 si la boisson alcoolisée dite Sapor continue à être commercialisée dans le pays. Il appelle à cet effet les gouverneurs des provinces à prendre les devants pour interdire la commercialisation de ce produit dans les provinces qui dirigent avant que d'autres mesures ne soient prises par des services habilités. Le président Évariste Ndayishimiye s'est exprimé ce samedi après des travaux communautaires effectués en commune et province Kayanza, le point avec Patrick Senguiyumva. Dans son discours d'accueil, coroner Remichisha, le gouverneur de la province Kayanza, a fait savoir que les habitants de la province qu'il dirige ont beaucoup multiplié leur rendement agricole ces derniers jours, principalement pour les cultures du maïs et du café, a-t-il précisé. Le gouverneur de la province Kayanza a saisi cette occasion pour appeler ses dirigeants à retrousser davantage les manches et améliorer encore la production afin d'atteindre facilement l'objectif de la vision du numéro 1 burundais d'un pays émergent en 2040 et celui développé en 2060. Toutefois, le président de la République du Burundi a dit qu'il craint l'atteinte de cet objectif et si réellement c'est le lit, la boisson alcoolisée dite Sapor continue à être commercialisée dans le pays. Cette autorité du pays a indiqué que les consommateurs de ce produit se creusent eux-mêmes leur tombeau en comparant cette boisson à du poison. Évariste Ndayishimiye trouve que le fabricant de cette boisson de Sapor aurait comme mission celle de rendre les hommes qui la consomment faibles et les empêcher à s'atteler massivement aux travaux de développement pour un Burundi émergent et celui développé. Le chef d'État burundais n'a pas marché les mots également, en indiquant qu'il y a des femmes qui ont porté plainte chez lui que leurs maris sont devenus impuissants à cause de cette boisson alcoolisée Sapor, d'où il a appelé les gouverneurs des provinces à lutter contre la commercialisation et la consommation de ce produit dans les provinces qu'il dirige avant que d'autres mesures ne soient prises. Vous saurez que la boisson Sapor a été consommée beaucoup par la population avec la pénurie des boissons fabriquées par la Brarudi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. En page politique, le parti Sawanya Frodebou dit regretter que les personnes soupçonnées de vandaliser la permanence communale de ce parti en commune Bubanza dans la nuit du 6 au 7 juillet n'ont pas été punies. Dans un communiqué, Phénias Nigaba, vice-président et porte-parole de ce parti, demande aux différentes autorités à la base de traiter de protéger les gens de la même façon. On l'écoute. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024, des malfaiteurs ont endommagé la permanence du parti Sawanya Frodebou, sise à Mitakataka. Lorsque on a constaté cela, les dirigeants du parti Sawanya Frodebou à la base ont essayé d'approcher l'administration pour trouver la solution, pour mener des enquêtes afin de dégager les coupables et les punir conformément à la loi. Notre représentant au niveau communal a approché le chef de zone. Il a même donné les noms des soupçonnés. Dans ces noms, il y avait un chef de colline. Et le chef de zone a essayé de les entendre et il a demandé du temps pour pouvoir étudier le dossier. Ce qui a été étonnant, c'est que des jours après, le chef de zone a donné la réponse au représentant du parti Sawanya Frodebou dans la commune de Bubanza, lui disant qu'il n'a pas de preuves tangibles qui montrent que ces personnes-là soupçonnées étaient responsables de ces actes. Et il a même proposé au représentant du parti Sawanya Frodebou de déménager et chercher une autre maison ailleurs. Le président du parti Sawanya Frodebou dans la commune de Bubanza n'a pas été satisfait de la réponse donnée et a dit au chef de zone que la permanence doit rester là-bas parce qu'on avait payé les frais irrelatifs mais il n'avait pas de problème avec le bailleur. Ce que nous avons vu, les représentants à la base avaient essayé d'approcher les administratifs pour trouver la solution à l'échelon bas, mais le constat est que les administratifs n'ont pas montré vraiment une bonne volonté de trouver la solution. Nous demandons maintenant à ces administratifs d'être des bons exemples, parce que si on est administratif, on doit être au-dessus de la mêlée et traiter les gens de la même façon, et surtout de protéger les biens des différentes personnes de la même façon. Page média, le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega, est déjà transféré au parquet de la République dans cette province. Le commissaire communal de la police en commune Gitega l'a annoncé mercredi de cette semaine, sans préciser le chef d'accusation contre Gérard Nibigira. Déjà dimanche 30 juin courant, Gérard Nibigira était à une station-service Moulisanze, dit chez Philippe, dans la ville de Gitega, où l'on servait de l'essence dans le désordre. Certains gens étaient malmenés par des policiers. C'est par là que le commissaire communal, le lieutenant-colonel de police Jean-Prime, Mendy Koubgaïo a confisqué ses téléphones en le tabassant, puis l'a détenu au cachot du commissariat provincial pendant plus de 3 heures, accusé d'avoir pris des images. Ces téléphones n'ont pas encore été remis jusqu'ici. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore cet incident contre notre correspondant et appelle le président de la République à rétablir Gérard Nibigira dans ses droits. Près de 20 tonnes de maïs ont été collectées par la NAGESA en province Muyinga lors de la campagne de collecte du maïs. L'opération de collecte s'est en général bien déroulée, sauf le retard de paiement ayant provoqué des lamentations chez certains agriculteurs. Jean-Claude Barutwanayo, gouverneur de cette province, tranquillise ces agriculteurs qui seront régularisés à partir de la semaine prochaine. Quant à ceux qui ont exigé des pots de vin aux agriculteurs dans certaines communes, le gouverneur Barutwanayo fait savoir qu'ils ont été traduits devant la justice, tout en précisant qu'ils ont remboursé cet argent chiffré à plus de 10 millions de francs burundais. On l'écoute au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. La campagne d'achat du maïs en Pôle de Muyinga a été très bien menée et la production a été très bonne aussi. Sauf que donc au début, au commencement de l'achat du maïs à la population, il y a eu des acheteurs, surtout dans certaines communes, particulièrement la commune de Guitéragny, qui étaient mal intentionnés, qui demandaient de la corruption, un peu d'argent à la population avant d'acheter leur maïs, ou qui prenaient les quelques kilos en disant donc que le maïs n'était pas bien sèche. Donc après avoir constaté cela, nous les avons appréhendés, ils ont été emprisonnés, nous avons fait des enquêtes avec le parquet et tout argent qui avait été collecté a été ramené. Donc nous comptons donc faire retourner cet argent à toute personne qui aurait donné indûment donc son argent pour que son maïs soit acheté. Ce n'est pas donc de l'argent en provenance du gouvernement qui a été détourné. Au cas contraire, c'est de la corruption, c'est de l'argent qui aurait été demandé à la population lorsque ils amenaient les maïs. Nous avons pris aussi la décision de les remplacer par d'autres acheteurs. On retire des lamentations de la population via des cultivateurs à ce qui concerne le paiement. Bien sûr, lorsque quelqu'un a vendu, a amené son maïs, il a besoin de rentrer avec de l'argent. C'est normal que lorsque on passe une semaine et deux semaines sans qu'il soit payé, il se lamente. Mais je voudrais tranquilliser la population. Ils doivent savoir que donc le paiement doit être organisé. On ne peut pas amener de l'argent n'importe comment. Et on doit bien organiser le paiement pour qu'il y ait de l'ordre, pour que demain après demain, il n'y ait pas quelqu'un qui soit sauté et puis ils viennent et ils disent « je n'ai pas eu mon argent ». D'ici quelques jours, ils seront régularisés. On va tout payer. Parlons genre. À présent, les femmes et filles vivant avec handicap disent subir des discriminations. Adélaïde Nyigina, coordinatrice nationale de l'Association burundaise pour la promotion des droits des femmes handicapées, l'a dit vendredi lors de la présentation des informations collectées sur le vécu des femmes et filles vivant avec handicap et demande que la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi soit mise en place. On l'écoute. Les défis sont liés aux barrières. Il y a les barrières que je dirais comportementales au niveau de la communauté. En commençant mais en famille, à l'entourage et au niveau de la communauté où nous vivons, il y a des comportements qui ne sont pas bons, qui sont discriminatoires, où la femme handicapée reste ignorée, stigmatisée, méprisée. Il y a même ceux qui le considèrent comme une personne sans valeur, alors que ce sont des personnes de droit, comme d'autres citoyens. Les barrières au niveau physique, on trouve des infrastructures, des moyens de transport qui ne sont pas accessibles. Si ces infrastructures ne sont pas accessibles, ce n'est pas évident que la femme ou la fille handicapée puisse être épanouie comme les autres. Il y a aussi les barrières liées à la communication, à l'accès à l'information. Pour le gouvernement, c'est la révision des textes, des politiques, pour que ces stratégies, ces politiques, ces lois prennent en considération les spécificités des femmes handicapées, mais aussi les lois en rapport avec les droits des personnes handicapées. Il y a la Convention des droits des personnes handicapées qui a été ratifiée en 2014. Il y a la loi nationale de promotion et protection des droits des femmes handicapées. Ces textes, il devrait y avoir des mécanismes de mise en œuvre de ces textes pour que la personne handicapée en général et la femme handicapée en particulier puissent jouir de ses droits au même pied d'égalité. Les habitants de la province Bouanza, composés des groupes de vulnérables comme les bateaux, les albinos et ceux vivant avec handicap, se lamentent qu'ils sont confrontés à la pauvreté, n'ont ni logement décent ni propriété foncière et demandent également que l'enseignement de leurs enfants soit effectivement gratuit. Ils l'ont dit mercredi lors d'une réunion avec les responsables de la synergie des partenaires pour la promotion et le développement de la femme SPPDF. En sigle, qui ont promis qu'ils vont commencer des activités de plaidoyer pour ces groupes. Spes Caritas Kavanyana. Le représentant des Batois de Muyange a indiqué qu'ils n'ont pas de terres cultivables ni de logements décents et qu'ils vivent dans des locaux construits par les bienfaiteurs et l'État en 2008, dont les tôles sont déjà en mauvais état. Pascal Nyandoui déplore le fait que même un jeune moutois qui veut se marier n'a pas d'autre choix que d'amener sa femme dans la maison de ses parents suite au manque de terres vacantes, comme il l'a dit. Il ajoute même que les frais payés par les enfants à l'école, dont les primes pour les enseignants vacataires, est un casse-tête pour ces communautés vulnérables qui demandent que l'enseignement de leurs enfants soit réellement gratuit. Dans une réunion tenue ce mercredi entre ces groupes de vulnérables et les responsables de la synergie des partenaires pour la promotion et le développement de la femme SPPDF en sigle, Béatrice Dagjimana, responsable de cette synergie à Gihanga, a promis que des programmes de plaidoyer pour ces groupes de vulnérables sont en cours de préparation afin qu'ils puissent mener une vie semblable à celle des autres communautés. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.